C'est très important d'apporter des fleurs à nos morts. C'est très important de voir plusieurs fois le livre d'Hemingway, Paris est une fête. Parce que nous sommes une civilisation très ancienne et nous porterons au plus haut nos valeurs. Et nous fraterniserons avec 5 millions de musulmans qui exercent leur religion librement et gentiment. Et nous nous battrons contre les 10 000 barbares qui tuent, soi-disant, le nom d'Allah. Et si micro le ciel ouvert était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées. Marie-Thérèse, comment avez-vous pu rester 5 mois sans me dire la vérité? Je voyais bien que votre ventre s'arrondissait. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Marie-Thérèse, ne jurez pas, je vous en prie. Mais madame... Marie-Thérèse, rappelez-vous, vous êtes bien sortie une fois avec un garçon. Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Marie-Thérèse... Vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, madame, je vous jure, je vais jamais au bal. Arrêtez de jurer, Marie-Thérèse. Ils vous ont peut-être fait boire. Je bois jamais. Mais enfin, Marie-Thérèse, c'est impossible. Mais madame, je vous jure que j'attends un bébé. Ça, c'est sûr. Mais que je n'ai jamais couché avec un garçon. Bon, Marie-Thérèse, rentrez chez vous. J'ai déjà assez de soucis comme ça en ce moment, ça va en plus à supporter vos mensonges. Maman, pourquoi vous criez? Elle ne ment peut-être pas, elle est peut-être comme la Vierge Marie. Écoute, ça va, hein? Maman, je n'ai pas voulu vous faire de la peine. Je sais, je sais. Je suis fatiguée, Pierre, tu comprends? Trop, c'est trop, j'ai pas mérité ça. Enfin, maman, il faut savoir souffrir. Le bon Dieu nous met à l'épreuve. Le Christ aussi a souffert pour nous sur la croix. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, maman. Nadia Geert. Nouvel attentat à Paris ce vendredi soir, 132 morts, plus de 300 blessés. Me reviennent en mémoire ces mots de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et cette question, fort peu politiquement correcte, qui doit apprendre à vivre avec qui? À chaque attentat, à chaque fatwa, à chaque décapitation, quelle horreur d'avoir à écrire ces mots. Le même discours revient. Stop aux amalgames, surtout ne stigmatisons pas. L'immense majorité des musulmans est démocrate et ne demande qu'à vivre en paix. Et comme en écho, beaucoup de musulmans se manifestent pour dire « Nous n'avons rien à voir avec ça. Ces terroristes ne sont pas de vrais musulmans. L'islam est une religion d'amour et de paix. » Et puis, il y a aussi ceux qui nous accusent, nous qui pleurons les morts parisiens. À les en croire, notre indignation serait sélective, donc suspecte. On ne nous aurait pas entendus lors des attentats à Beyrouth, il y a quelques jours. On aurait bien de la chance encore de ne pas vivre à Gaza, et d'ailleurs, certains préviennent, si on fait une minute de silence, ils viendront avec leur drapeau palestinien. Tout cela, je l'ai lu sur les réseaux sociaux, ainsi que la sempiternelle accusation de l'Occident, de l'Europe, de l'impérialisme, du colonialisme ou du capitalisme. Loin de moi la volonté de souffler sur les braises, au contraire. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut connaître le passé si l'on veut avoir une chance de ne pas le revivre. Or cette phrase, contrairement à ce que certains de Belzab semblent croire, ne vaut pas que pour le nazisme. Elle vaut aussi pour le terrorisme islamiste qui, de l'Algérie à l'Iran, de l'Afghanistan à l'Arabie saoudite, a amplement montré son hideux visage. Non, je ne vais pas me lancer dans une diatribe anti-islam, mais pour autant, j'en ai par-dessus la tête de l'aveuglement dominant. Parce que oui, il y a un problème avec l'islam aujourd'hui. J'en veux pour preuve cette étude du Berlin Social Science Center portant sur le fondamentalisme musulman et chrétien en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Suède et en Autriche. Pour la Belgique, 1200 musulmans ont été interrogés. 3 affirmations leur étaient soumises auxquelles ils devaient répondre par oui ou non. La première, les musulmans devraient retourner aux racines de la foi. La deuxième, il n'y a qu'une seule interprétation du Coran et tout musulman devrait s'y tenir. La troisième, les règles du Coran sont plus importantes que les règles du pays dans lequel je vis. Et les résultats sont pour le moins préoccupants puisque plus de la moitié des sondés se sont déclarés d'accord avec les 3 affirmations. Qui plus est, 60% ne souhaiteraient pas d'amis homosexuels, 56% se méfieraient des juifs et 63% penseraient que l'Occident veut détruire l'islam. Alors non, tous les musulmans ne sont pas terroristes ni même islamistes, mais croire que 99,9% des musulmans sont de braves gens profondément tolérants et ouverts, cela relève du, en anglais, je ne suis pas douée pour l'anglais, donc c'est wishful thinking, pas de la réalité. Il y en a certes à un bout du spectre de la grande famille musulmane. À l'autre bout, il y a des crapules sanguinaires qui haïssent l'Occident et tout ce qu'il représente et qui ont décidé de s'en prendre aux écrivains, Salman Rushdie, aux journalistes et dessinateurs, Charlie Hebdo, aux juifs, le musée juif de Belgique, l'hypercachère, et enfin à la vie tout simplement, la jeunesse, l'amusement, la musique, la danse, l'amour, la légèreté, l'insouciance. Entre les deux, il y a un grand ventre mou, des gens qui certainement ne prendront jamais une Kalachnikov, mais qui pour autant partagent partiellement la vision du monde de ces salauds. Antisémitisme, homophobie, refus de toute contextualisation du texte coranique, primauté de la loi divine sur les lois civiles, refus du blasphème, condamnation du mode de vie occidental considéré comme immoral et dissolu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on éduque, pardi. On cesse de se flageller parce que nous manquerions de compréhension, de tolérance, d'ouverture pour des gens qui pensent différemment. On affirme tranquillement qu'on n'a aucun problème à vivre avec l'islam, pour peu que cet islam accepte de vivre avec nous. C'est aussi simple que ça. Tu ne manges pas de porc ? Ok, personne ne t'y oblige, mais tu ne m'empêches pas de bouffer mon salami, y compris en rue pendant le ramadan si j'ai un petit creux. Tu trouves que l'homosexualité est un péché ? Ok, moi pas. Mais c'est pas grave, tout ce que je te demande, c'est de laisser à Dieu le soin d'en juger dans l'au-delà. Et tu fous la paix aux homos en attendant. T'inquiète, c'est pas contagieux. Pareil pour tout ce que tu n'aimes pas dans le mode de vie des mécréants. Parce qu'il faudra que tu t'y fasses. Le temps des territoires monocultuels est terminé, mon gars. Où que tu ailles, tu trouveras des juifs. Pas beaucoup, t'inquiète. Leur nombre est largement surestimé par les gens qui pensent qu'ils dirigent le monde. Des athées, des polythéistes, les abominables associateurs que ton Coran condamne. Des homosexuels, des filles libres, des gens qui aiment danser, chanter, boire, aimer, rire. Et qui, quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Alors oui, on éduque au respect de l'autre, mais en insistant bien, s'il vous plaît, sur le fait que l'autre, c'est certes le musulman, l'arabe, l'étranger, mais c'est aussi tous ces autres que certains tuent au nom de l'islam. On éduque et on condamne sans langue de bois, sans circonvolution alambiquée, sans lâche concession. On ne tue pas des gens, bordel de merde. Rien ne justifie ça. Non, il n'y a pas de mais. Aucun mais possible. Le type qui prend une kalachnikov, un sabre ou une ceinture d'explosifs pour rendre la justice divine, c'est un salaud, mon gars. Si tu veux dénoncer, c'est lui qu'il faut dénoncer, clairement. Lui et personne d'autre. Et tu laisses la Palestine et le capitalisme en dehors de tout ça, vu ? C'est pro-israélien d'aimer la vie. C'est capitaliste d'être jeune, de cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie. T'as pas le monopole de la spiritualité, mec, et tu ne détiens pas davantage la vérité. Tu as des croyances, des convictions, moi aussi. Alors on éduque à la différence entre une conviction et une vérité. Parce que c'est de là que tout découle, en fait. On ne peut pas tuer quelqu'un pour une conviction. Une fois qu'on a compris que peut-être bien qu'on se trompe, même si on croit très fort qu'on a raison. Aujourd'hui, j'ai presque envie que Dieu existe, tiens. Parce que soit c'est un immonde salopard, soit vous passez un mauvais quart d'heure là-haut, et que si ce quart d'heure dure une éternité, je ne verserai pas une larme. Mais d'abord, merci Nadia Guert, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est comme ça qu'on dit, oui. Mais d'être dans ce micro ouvert, donc rencontre de Nadia Guert quelque part, puisque moi je ne vous connais pas plus que ça. Hein, donc on va apprendre un peu à se connaître aussi. Est-ce que vous préférez que vous présentez vous-même ou bien moi je donne les quelques bribes que j'ai pu voir ou lire à votre sujet ? Donnez vos bribes et puis je compléterai si ça me semble utile ou je corrigerai s'il y a des choses qui me paraissent fausses. Allez, c'est parti. Alors vous êtes, moi j'aimais bien ce militante laïque. Oui. c'est super rigolo comme formule, militante laïque. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ah, c'est marrant que vous trouviez ça marrant. Oui. Parce que je ne savais pas, même pas que ça, on pouvait militer pour ça, quoi. Enfin, voilà. Alors, c'est parce qu'en Belgique, il n'y a pas... la Belgique n'est pas un État laïque, en fait, contrairement à ce qu'on croit souvent. Donc c'est un État neutre, avec toutes les divergences d'interprétation sur ce qu'est la neutralité. Et comme moi, je suis quand même de sensibilité assez proche de la France, en tout cas dans les principes qu'elle a énoncés au point de vue de la laïcité, j'essaye de promouvoir l'instauration du principe de laïcité dans la Constitution belge. Donc, c'est ce qui fait de moi une militante laïque, voilà. Mais c'est quoi la différence entre laïcité et neutralité ? Neutralité alors, puisque vous avez l'air de dire que la Belgique est neutre et pas laïque. C'est-à-dire, je pense que la neutralité, c'est un principe démocratique, je dirais, partagé par la plupart des pays démocratiques, c'est-à-dire l'idée que l'État ne peut pas prendre position en faveur d'une religion. C'est tout simplement ça. Donc l'État reste neutre, il ne se prononce pas pour dire qu'il est catholique, qu'il est musulman, qu'il est athée, etc. Maintenant, le problème, c'est que dans la manière dont concrètement ça se décline, y a différentes interprétations possibles. Par exemple, la Belgique finance les cultes et estime qu'elle est neutre puisqu'elle finance tous les cultes qui répondent à un certain nombre de conditions. Tandis que la France estime que la laïcité implique de ne pas financer les cultes. Et donc, pour moi, la laïcité est une manière de répondre à la question de la neutralité. Et la Belgique en a choisi une autre, et à certains égards, je trouve que c'est dommage, parce que je pense que financer les cultes n'est pas une bonne idée, qu'enseigner les religions à l'école n'est pas une bonne idée, et donc c'est ce qui fait de moi une militante laïque plutôt qu'une militante de la neutralité. Eh bien, enchantée, hein, Nadia Guert. Alors, vous êtes féministe, c'est ça ? Vous êtes d'accord avec ce que je dis ? Vous êtes féministe, j'ai vu, vous êtes antifasciste aussi, c'est bien important de préciser ça, parce qu'on pourrait parfois penser que non, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai pu lire des choses, je ne serais pas vous les redire là maintenant, qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question. Je vous présente comme ça. Vous avez des choses à rajouter là-dessus pour vous présenter, quelque chose d'important que je n'aurais pas dit, que vous avez envie de dire ? Peut-être que dans la vie professionnelle, je suis enseignante, donc je suis de formation licenciée en philosophie, et donc j'enseigne aujourd'hui la philosophie, la citoyenneté, la neutralité, la morale non confessionnelle aussi, donc toutes des choses bien belges et bien sur le devant de l'actualité aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis parfois accusée ou soupçonnée d'être raciste ou islamophobe, pour utiliser un mot à la mode. Et je pense que c'est principalement dû au fait que j'ai commis plusieurs prises de position par rapport à la question du voile et à la question des signes religieux en général, et que ça, manifestement, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à passer auprès de certains qui considèrent qu'on n'a pas le droit de critiquer quelques composantes de l'islam que ce soit sans être automatiquement un raciste larvé qui n'ose pas s'avouer, quoi. Voilà. Voilà, moi vraiment je suis super contente de vous rencontrer parce que j'aimerais, ça fait aussi son chemin, c'est-à-dire Bon. On pourrait préciser, voilà, il s'est passé, on va commencer aussi comme ça, parce qu'il y a eu les attentats à Paris, là. C'est chaud. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ? En même temps, vous avez ici écrit un texte, hein, Le Monde à l'envers. C'est là-dessus aussi, sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvé ce texte. Je me suis dit, oh, j'ai vraiment envie de rencontrer cette dame. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous auriez à dire en même temps ? Voilà, peut-être résumer, peut-être. Ce courrier que vous avez, cette lettre que vous avez écrite. Oui, alors c'est un texte, je dirais, assez pamphlétaire. C'est un coup de gueule, hein. C'est pas du tout un essai, c'est pas une tentative d'explication, de mise à distance. Je crois que c'est un texte que j'ai écrit à chaud parce que j'étais pleine de colère, de rage, de chagrin. Parce que comme pour Charlie Hebdo, ça m'atteint énormément. Je trouve ça terrible que des gens viennent à supprimer la vie d'autres gens pour des questions quelles qu'elles soient, et en plus pour des questions religieuses. Enfin, quelle aberration, quoi. Donc ça, c'est une précaution oratoire pour dire, voilà, je prétends pas dire les choses de manière distancée, calme, réfléchie, posée. Aujourd'hui, je suis encore dans l'émotion, et je pense que c'est légitime d'être encore dans l'émotion. Et ce que j'avais envie de dire dans ce texte, c'est que j'ai l'impression que quelque part, on prend le problème à l'envers. Enfin, en tout cas, c'est de là que je suis partie, c'est de cette idée que finalement... On ne cesse de faire attention à inculquer à nos jeunes dans l'enseignement. Bon, puisque je suis prof, je forme des futurs enseignants, donc je suis vraiment confrontée à ça, à la question de ce qu'on transmet à nos jeunes au sein de l'école. Et j'ai l'impression que le discours dominant, c'est bon, voilà, il faut lutter contre le racisme, il faut lutter contre l'intolérance, il faut apprendre à vivre ensemble. Tout ça, c'est évidemment tout à fait exact, tout à fait vrai. Mais c'est un discours qu'on adresse essentiellement... à nos, entre guillemets, jeunes, j'ai envie de dire non musulmans, avec l'idée, vous devez apprendre à vivre avec l'islam et à vivre avec les musulmans. Et j'avais envie d'inverser un peu le propos, de manière un peu provocatrice, en disant, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi apprendre à certains musulmans à vivre avec des non-musulmans ? Parce que j'ai l'impression que c'est ça la question qui s'est posée lors de tous les attentats qui ont eu lieu ces dernières années, c'est qu'on se trouve manifestement face à une frange radicale de l'islam qui n'accepte pas de vivre avec des athées, avec des juifs, avec des femmes libres, avec des homosexuels, avec des gens qui aiment le rock, qui aiment la danse, qui aiment le chant, qui aiment le vin, qui aiment le porc, etc. etc. Et donc, le monde à l'envers, c'était un peu ça. C'était, mais est-ce qu'on ne se trompe pas de cible, au fond ? Est-ce qu'à force de tout le temps dire, attention, vous devez être tolérant, vous devez accepter la diversité, etc. Mais je me dis, mais moi, j'accepte la diversité. Moi, je n'ai pas de problème avec la diversité. Vraiment, j'ai aucun problème avec le fait que des gens croient en Dieu, avec le fait que des gens ne mangent pas de porc, ne boivent pas de vin, aillent à la mosquée ou dans tout autre lieu de culte. Ça ne me pose vraiment aucun problème. Mais j'ai un problème avec le fait que mon mode de vie pose des problèmes à certains. Et donc, j'avais envie d'inviter à une réciprocité et à sortir de ce discours univoque, parce que je pense qu'on rate la cible, en quelque sorte. Et que la tolérance ne peut pas aller jusqu'à tolérer l'intolérable, en fait. Il y a un moment donné où il faut conditionner cette... Enfin, j'aime pas le mot tolérance. Je précise, c'est un mot que je trouve insupportable, parce que je le trouve plein de condescendance. Enfin, tolérer, c'est... C'est accepter, condescendre à ce qu'existe quelque chose dont on préférait qu'il n'existe pas, quoi, hein. Donc je trouve ça abominable. Je préfère le respect. Mais il y a des choses qui ne sont pas respectables. Il y a des idées qui ne sont pas respectables. Quand des gens estiment que... confondent leur vérité avec la vérité. Mais il faut travailler, ça. Il faut le... Mais là-dessus, en fait... Nadia, voilà, j'y vais carrément, je vous appelle par votre prénom. Est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Justement, moi j'aurais bien aimé essayer de sortir de cet habituel débat entre, oui, mais tous les musulmans ne sont pas comme ça, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Alors que je pense... c'est pas évident, hein, comme sujet, parce que voilà, je vais quand même vous répondre. Tous les musulmans, est-ce que c'est vraiment une histoire ? Est-ce que c'est vraiment un problème de religion, tout ça ? Alors, c'est pas un problème de religion, c'est un problème d'interprétation de la religion. Et je crois que toutes les religions ont leurs fanatiques, ont leurs extrémistes, ont leurs fous furieux, ce qu'on appelle leurs fous de Dieu. Et en même temps, je crois que Enfin, je vous dis, hein, c'est un texte écrit sous le coup de la colère, et donc je ne prétends pas une justesse absolue dans mon ton, ni dans le fond de ce que je dis, mais je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un problème avec l'islamisme, et que l'islamisme, ça n'est pas une infime minorité du monde musulman, c'est pas vrai. Je veux dire, partout dans le monde, on a des groupes islamistes radicaux qui naissent, qui commettent des attentats, dont les premières victimes sont des musulmans, hein, d'ailleurs. Hein, je veux dire, que ce soit Boko Haram, que ce soit Daesh, que ce soit d'autres mouvances salafistes, wahhabites, etc., etc. C'est quand même, c'est une véritable lame de fond à laquelle on assiste. Et donc, ça ne fait évidemment pas de tous les musulmans des terroristes. Évidemment, non. Mais en même temps, je crois qu'il faut reconnaître, je crois que c'est Abdelwahab Medeb qui utilisait la formule de maladie de l'islam, mais je pense qu'il mettait le doigt sur quelque chose de très vrai. Aujourd'hui, l'islam est malade. L'islam est malade de l'islamisme. Et je pense que si on ne nomme pas les choses, et si on met les choses sous le tapis en disant simplement « ce sont des fous, ils n'ont rien compris, ce n'est pas des musulmans », etc., on se prive de la possibilité de résoudre le problème, parce que je pense qu'on ne peut pas résoudre un problème si on ne commence pas par le reconnaître. C'est vrai que quand les attentats sont arrivés, on se dit, mais bon, il n'y a pas que moi qui me dis ça aussi, c'est-à-dire, voilà, c'est des jeunes, quoi. Ils ont 20 ans, ils ont 26 ans, c'est 25 ans, et ils tirent sur des gens qui n'ont rien à voir, et en même temps, ils s'autodétruisent, quoi. Donc c'est vraiment de la folie, c'est vraiment une secte. Donc la religion, c'est bien une secte qui a réussi, et on réfléchit, quel est le sens que ça a pour ces gens qui font ça, enfin, pourquoi ? Et alors on entend, j'aimais bien aussi ça, parce que c'est vrai qu'on se dit ça, oui, c'est la société capitaliste, c'est l'impérialisme. Et alors je lirai le texte en introduction de ce micro ouvert pour qu'on comprenne bien. Et oui, il y avait quelques passages comme ça que j'aimais vraiment bien. Et vous dites, en tout cas moi, comment j'ai compris le texte, c'est comme si, pour finir, oui, la religion, il y a quelque chose qui est de l'ordre, mais oui, tu crois, c'est pas grave, tu peux croire tant que tu n'ennuies personne, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, ça prend de l'ampleur, quoi, ça, c'est exagéré, et du coup, c'était ça la militante laïque. C'est intéressant de se battre pour ça, pour des sociétés laïques, quoi. Mmh. Tu crois, c'est très bien, mais on reste neutre, quoi. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre avec sa religion. Et là, évidemment, quelque part, avec ce qui s'est passé, c'est une religion qui explose, quoi. Voilà. Oui. Et moi, j'aurais bien aussi aimé comprendre, parce que sûrement vous avez dû vous plancher là-dessus, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comment on pense, à un moment donné, en France, du moins, enfin ici en Belgique aussi, mais dans les années 60, on est allé chercher les Marocains au bled pour qu'ils puissent venir travailler ici, faire des boulots qu'on ne voulait pas. Vous voyez, s'il y avait une espèce que je puisse moi aussi mieux comprendre comment. Enfin, je pose plein de questions à la fois en même temps. Oui, je vais m'arrêter. Oui. C'est vrai que ça va être dur de répondre à tout. Mais sur la question de l'immigration, moi, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. C'est cette. Cette manière de lier la problématique de l'intégration avec de l'immigration, pardon, avec la problématique de l'islam. Et en même temps, je comprends, parce qu'évidemment, historiquement, forcément, l'islam est arrivé par l'immigration. Enfin, je veux dire, c'est clair qu'il n'y a pas d'islam de souche, ni en France, ni en Belgique au départ. C'est par les vagues migratoires que l'islam est arrivé dans nos pays. Et en même temps, aujourd'hui, les musulmans de France ou de Belgique, ce sont nos concitoyens. Je veux dire, c'est des gens qui sont nés ici, qui sont belges, qui sont français, qui sont nos concitoyens à part entière. Donc moi, ce qui me pose problème, c'est pas tellement que ces gens prétendent participer au débat public. C'est tout à fait leur rôle, comme tout citoyen, de dénoncer des idées, de dire, tiens, moi, je voudrais que telle loi soit modifiée, moi, je voudrais que les choses se fassent comme ça plutôt que comme ça. C'est de la citoyenneté, ça. Le problème, c'est quand il s'agit de vouloir modifier les lois humaines pour réintroduire la loi divine. C'est ça qui est vraiment problématique. Et c'est ça, évidemment, que veulent faire les terroristes de la manière la plus violente qui soit. Mais c'est aussi, malheureusement, et je cite là une étude dans l'article qui en parle et qui est assez alarmante à cet égard, c'est aussi le cas pour plus de la moitié des musulmans de Belgique qui considèrent, enfin, alors je ne dis pas qu'ils font quelque chose pour imposer la loi divine, mais ils considèrent en tout cas que la loi divine est supérieure à la loi des hommes. Et ça, c'est effrayant. Parce que ça pose directement la question du vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble entre personnes qui ont des convictions différentes, si certains pensent que la loi divine vaut plus que la loi humaine. Alors, si cette loi divine ne les concerne que dans leur intimité, si c'est une loi qui leur dit uniquement ce qu'ils peuvent manger, comment ils doivent s'habiller, etc., à la limite, ça ne nous concerne qu'à la marge. Mais si c'est des lois qui concernent la manière dont il faut traiter les mécréants ou ce qu'on fait avec les femmes infidèles, ça commence à poser un sérieux problème. Et je crois que ça, il est peut-être temps d'arrêter de le mettre sous le tapis. Et le problème, c'est que je crois qu'on est tétanisé par la crainte de l'extrême droite. Et c'est logique, évidemment, puisque l'extrême droite, et ça c'est pareil en France et en Belgique, je veux dire, on a des lois... Quoi, Nadia, tu veux dire que, parce qu'il faut suivre, hein, quoi, de terroriser par l'extrême droite, ça veut dire que si on disait à ces gens, avec leurs croyances, ben non, ça marche pas comme ça, il faut inventer quelque chose de neutre, eh bien, ce serait mal vu parce qu'on se dirait que c'est pas la liberté à la différence, etc. C'est ça que tu veux dire ? Non, je veux dire que c'est pas dire à ces gens, c'est reconnaître publiquement qu'il y a un problème avec l'islam. C'est très difficile, parce que c'est immédiatement être suspect de faire le jeu de l'extrême droite. Parce que depuis qu'existent des lois antiracistes avec lesquelles je suis évidemment tout à fait d'accord, l'extrême droite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a déplacé le curseur, son discours ne porte plus sur les méchants immigrés, les vilains arabes, etc. Elle porte sur l'islam et sur les musulmans. Et donc dès qu'on essaie d'avoir un discours, j'ai envie de dire un peu lucide, sur la problématique de l'islam radical, on est suspect parce qu'on se dit mais finalement, qu'est-ce qui sépare ce discours-là du discours de l'extrême droite ? Et il faut creuser pour comprendre. Je veux dire, c'est tout le danger de Marine Le Pen. Hein. Je veux dire, c'est que c'est une bonne femme qui apparaît au premier abord, quand on ne fait pas trop attention, comme une véritable républicaine, laïque, qui défend des belles valeurs, socle de la société française, etc., etc. Et il faut creuser, il faut se rendre compte qu'elle va manifester dans les rues contre le mariage pour tous, aux côtés des pires calotins chrétiens, pour se dire, tiens, elle n'est pas si laïque que ça, quoi, en fait. Hein. C'est juste quand c'est l'islam que ça l'arrange bien. Tout d'un coup, subitement, là, elle se sent très laïque, mais en fait, c'est à peu près le seul moment où la laïcité peut... Jouer en sa faveur. Oui, ou en tout cas, elle l'utilise, elle l'instrumentalise, en fait. Elle n'est pas laïque du tout, quoi. Et donc... Le discours que je tiens, il est difficile à tenir parce que je crois... Reprécise le discours que tu tiens, c'est-à-dire... Le discours qui consiste à dire « Arrêtons, sans mauvais jeu de mots, nous voiler la face. L'islam va mal. Il y a un problème avec l'islam et c'est un problème qui n'est pas seulement à la marge. C'est pas 0,001% des musulmans. C'est pas vrai, ça. » Je veux dire, c'est plus de 50% des musulmans qui veulent pas avoir un ami homosexuel. Voilà, c'est quand même c'est préoccupant, quoi. Je veux dire, bon, c'est quelque chose que je... C'est sûr, ça. C'est une étude, quoi. C'est une étude de scientifique. Bon, alors, on peut évidemment essayer de comprendre comment cette étude a été faite, avec qui. On peut mettre en cause les résultats. Mais, je veux dire, c'est quelque chose qui correspond à ce que j'observe depuis ça fait quoi ? Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Et c'est évident que l'homosexualité est beaucoup plus problématique pour le monde musulman... que pour les autres en général. Alors, évidemment, les religieux en général ont un problème avec l'homosexualité. Oui, oui, oui. Hein. Mais je veux dire, au sein des religieux, c'est encore en islam que c'est le plus compliqué. C'est une évidence. Enfin, et même chose pour les juifs, même chose pour les mécréants, même chose pour l'égalité homme-femme. Ce sont des sujets qui restent extrêmement, extrêmement touchy, extrêmement sensibles. Et donc il faut travailler, ça doit évidemment pas devenir raison pour dire l'islam est incompatible avec la République ou avec la démocratie ou quoi, c'est pas du tout de ça que je parle, mais je pense qu'il est temps de reconnaître qu'il y a un problème, il est temps de donner la parole à des intellectuels musulmans qui font une lecture du Coran qui est vachement plus intelligente que celle des soi-disant experts auxquels on donne la parole et qui invite à une contextualisation du Coran, parce que sinon on n'en sort pas. Si on n'accepte pas à un moment donné de dire, écoutez les gars, attendez, votre texte sacré, il date du 7e siècle, et donc il y a des éléments de ce texte qui doivent être remis dans un contexte, qui s'expliquent par leur contexte d'apparition, mais qui ne peuvent plus être pris au pied de la lettre aujourd'hui, on n'en sort pas. Et le problème de l'islam aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans considèrent que le Coran n'a pas à être interprété. Ça, c'est aussi une réalité. Je veux dire, enfin, c'est une discussion que j'ai encore eue avec des étudiants aujourd'hui, hein, qui me disent, mais le Coran, on ne peut pas l'interpréter. Et, mais alors, on fait quoi ? On fait quoi quand on se retrouve devant des versets qui incitent à pourchasser les infidèles partout où ils se trouvent ? On ne peut pas interpréter, quoi ? Donc, c'est aussi une des choses que je dis dans l'article, c'est que vous avez à un bout du spectre, évidemment, ces espèces de salopards terroristes qui sont évidemment extrêmement minoritaires. Vous avez à l'autre bout du spectre des musulmans parfaitement, j'ai envie de dire, des gens convenables, des gens tout à fait sympathiques, démocrates, etc. Mais entre les deux, il y a ce que j'appelle une espèce de ventre mou, de gens qui n'ont pas de kalachnikov chez eux, ils n'ont pas de ceinture d'explosifs chez eux, ça va. Mais malgré tout, ils partagent en partie la vision du monde des islamistes. Ils ont quand même cette idée que, bah oui, le monde serait meilleur si tout le monde se convertissait à l'islam, qui est la seule vraie religion. Ils ont quand même cette idée que les homosexuels, bon, c'est peut-être pas sympa de les pendre en place publique, mais c'est quand même contraire au projet de Dieu, que les juifs dirigent le monde, etc. Enfin, et donc, à force de dire qu'il y a une toute petite frange minoritaire terroriste et que tout le reste, ce sont de profonds démocrates, je pense qu'on se ment, on se raconte des salades, quoi, pour se rassurer. C'est pas vrai. Quand tu dis profonds démocrates, en tout cas, c'est des gens qui croient. On aurait tendance à croire ça, c'est des gens qui croient gentiment, et puis voilà, quoi, ça pose pas de problème. Oui, c'est ça, et oui, mais il y en a, hein, attention, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Mais je veux dire qu'on ne passe pas de l'un à l'autre, il n'y a pas juste ce blanc et ce noir, on n'est pas dans un gigantesque western avec juste les gentils musulmans qui font de mal à personne, et de l'autre côté, les méchants qui prennent une kalachnikov, quoi. Il y a un continuum, on passe, enfin, il y a toute une série de gradations, il y a toute une gradation, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec... Enfin, moi, je l'ai vécu à l'époque des attentats contre Charlie Hebdo, hein, avec des musulmans qui vous disent « Mais oui, bien sûr qu'on ne peut pas tuer, mais quand même, ils n'avaient pas à dessiner le prophète, quoi. » Donc... Mais donc, d'où cette idée aussi de... Enfin, la fin de ton texte, il est plutôt... Enfin, il est même marrant, quoi. C'est, ouais. Moi, j'aime assez bien un peu rentrer dedans, mais c'est... Voilà, on devrait s'apprendre à s'éduquer les uns les autres, quoi. Genre... Tu manges quelque chose que je n'aime pas, très bien, c'est pas grave, j'en fais pas une maladie. Évidemment, ça serait le monde idéal, hein, le monde parfait, j'accepte ta différence. Et tu acceptes la mienne. Oui. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que j'ai l'impression que le travail aujourd'hui est plus à faire avec une fraction du monde musulman qu'avec des gens comme moi. Je veux dire, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de problème avec le fait que des gens fassent le ramadan, ne mangent pas de porc, boivent pas de vin, je sais plus quel est l'autre exemple que je cite, refusent pour eux-mêmes l'homosexualité parce qu'ils trouvent que franchement, c'est dégueulasse. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais qu'ils me foutent la paix, quoi. Je veux dire, qu'ils me laissent manger mon saucisson en pleine rue si j'en ai envie et qu'ils s'occupent pas de ce que je fais le soir dans mon lit, quoi. Enfin, c'est le contrat social, ça. Je veux dire, c'est un deal qui me paraît tout à fait raisonnable. Tu t'occupes de ta vie, je m'occupe de la mienne. Et tu comprends que tes lois, les lois que tu te donnes à toi-même parce que tu es persuadé que c'est ton Dieu qui te les impose, ben, elles valent que pour toi. Tu peux contraindre personne à observer ces lois-là s'il ne croit pas en le même Dieu que toi, ou s'il a une autre lecture du même texte, ou s'il croit à un autre Dieu. Mais c'est pas évident. Enfin, ça nécessite une éducation aussi à la différence qu'il y a entre croire et savoir, quoi. Je crois que le début du vivre ensemble, c'est déjà d'être conscient du fait que c'est pas parce que je crois quelque chose très fort que je peux être sûr que j'ai raison. C'est très différent. Je veux dire, on peut être profondément convaincu que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on détient la vérité. Oui, ça, on devrait apprendre dès 2 ans et demi. Hein. Ah oui, mais on le fait pas suffisamment, je pense. Je pense qu'on le fait pas suffisamment parce qu'il y a cette idée, il faut respecter les croyances. Et au nom du respect des croyances, on s'interdit de dire, mais attends, ce ne sont quand même que des croyances. Et quand je dis ce n'est que des croyances, ça veut pas dire tu te trompes. Ça veut dire c'est une croyance. C'est pas prouvé, c'est pas démontré. Donc, t'as ta croyance, j'ai la mienne. Et donc, il va falloir fonder notre vie ensemble sur autre chose. parce que sur les croyances, on ne va pas pouvoir s'entendre. Je ne vais pas pouvoir, à un moment donné, lever le drap comme dans un jeu de Kim et dire « Regardez, Dieu, il est là » ou « Regardez, il n'est pas là ». Bon, ben non, on ne peut pas se prouver l'un à l'autre qu'on a raison. Donc on doit trouver autre chose. Et cette autre chose, pour moi, c'est la laïcité. Voilà, moi, c'est ça que c'est ça qui moi, quelque part... me font prendre conscience que cette laïcité, ce mot laïque, comme ça, en fait, c'est créer une société laïque, mais c'est pour moi, ça devient de plus en plus fondamental, en fait. Parce qu'avant, j'imaginais, tu portes le foulard, je le porte pas, c'est pas grave, tu manges ça, c'est pas grave. Enfin, j'ai travaillé avec des jeunes filles placées par le juge de la jeunesse, il y avait certains qui voulaient manger, des Belges, qui voulaient manger pas de porc, qui ne voulaient pas manger de porc. Et bien, dans l'équipe éducative, moi, ça ne me posait aucun problème. Il y a une alternative, enfin voilà. Mais d'autres, ça crée des discussions de valeurs en même temps. Hein. Et enfin, pour moi, ça ne me posait aucun problème. D'ailleurs, ça ne me pose toujours aucun problème. Hein, c'est pas ça. Mais du coup, ma pensée un peu évolue comme ça, par votre faute. Excusez-moi. Non, c'est pas vrai. Il faut que je sois honnête. Aussi avec les événements qui se passent, de se dire mais comment ça se fait qu'on peut en arriver à ça, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça aussi? Et ben, je fais des raccourcis, hein, mais ça pourrait être aussi une société où il y aurait quelque chose de fondamental qui nous unit les uns aux autres, quelque chose de laïque, quoi. Enfin, voilà, on ne commence pas à parler de... ça va faire son chemin, mais ça vous dit quoi ce que je suis occupée à... Parce que moi, je prends conscience de ça, en fait. Et j'avais envie de faire un parallèle avec la cour de Babel. Est-ce que vous avez vu ce documentaire, La cour de Babel ? Magnifique, regardez-le, ça parle, c'est plein de nationalités différentes. Et la prof qui gère ça, justement, elle met dans sa classe la laïcité, quoi. Et évidemment, elle a affaire à des gamins qui croient, évidemment, à Allah et compagnie. Enfin, c'est d'une beauté, parce qu'elle a réussi à faire en sorte que tu crois, c'est très bien, tu mets ta petite croyance à l'intérieur de ton pull, et ça ne pose aucun problème avec... Enfin, il faut voir le documentaire. Mais donc, voilà. Oui, mais je pense qu'effectivement, on vit plus dans des sociétés dans lesquelles il y a une seule religion. Je veux dire, quand il n'y avait qu'une seule religion, c'est facile. En gros, enfin, c'était pas très démocratique, hein, mais enfin, je veux dire, bon, tout le monde était obligé d'être catholique parce que le roi de France était catholique, ou bien si le prince était protestant, on vous persécutait, on vous expliquait gentiment que c'était quand même mieux de vous convertir si vous vouliez cesser d'avoir des ennuis, etc. Donc, on était dans des sociétés monoculturelles, quoi, hein, un seul culte. Aujourd'hui, on est très loin de ça. Je veux dire, c'est une des conséquences de la mondialisation, des vagues migratoires, etc., etc. Et donc, il faut trouver autre chose. Je veux dire, ça marche plus, cette histoire-là. Je veux dire, il faut que chacun accepte de privatiser d'une certaine manière sa religion. Sinon, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas chacun être là avec son étendard à tout bout de champ en disant « Moi, je suis protestant, moi, je suis catholique, moi, je suis juif, moi, je suis musulman, moi, je suis athée et je voudrais que ça soit pris en compte tout le temps, partout, à tout moment de mon existence. » Non, ce n'est pas possible. Mais oui, donc je pense que la religion aujourd'hui ne peut plus faire office de ciment social comme elle a pu le faire auparavant. C'est ça que j'essaye de dire, en fait. Il faut trouver autre chose. Je veux dire, on est dans une société dans laquelle il n'y a pas une religion qui est la religion... fondatrice de la Belgique, sur laquelle tout le monde pourrait être d'accord parce qu'on la partage tous. C'est fini, ça, c'est terminé, c'est les temps anciens. Et bon, c'est un petit peu le vieux fantasme de toutes les religions, hein, c'est d'avoir un territoire sur lequel elles ont le contrôle, sur lequel elles peuvent imposer leurs règles. Mais bon, c'est un fantasme, quoi. Je veux dire, c'est fini cette histoire-là, quoi. Il faut passer à autre chose. Et donc, je crois qu'il faut que les croyants de toute confession acceptent que leur religion, elle peut orienter leur vie dans ce qui les concerne eux personnellement, j'ai envie de dire dans leur intimité, mais elle ne peut pas s'imposer dans l'espace public. Et dans l'espace public, je ne veux pas dire la rue, hein, je veux dire des choses beaucoup plus institutionnelles, quoi. Je veux dire dans la politique, dans les lieux de pouvoir, par exemple. On peut pas faire des lois en fonction d'une religion, par exemple. On peut pas, pour moi, à l'école, on peut pas commencer, comme on le fait en Belgique depuis longtemps, on peut pas enseigner les religions. C'est pas le rôle de l'école de transmettre des dogmes, quoi. L'école est là pour émanciper les gosses, quoi. Je veux dire, enfin. Après, les parents transmettront ce qui est important à leurs yeux. Et si c'est une religion, tant mieux. Enfin, ou tant pis, j'en sais rien. Mais l'école, elle doit permettre aux gosses de s'émanciper, de justement de Enfin, l'école, c'est autre chose. Je veux dire, on y rencontre des idées qu'on ne rencontrerait pas si on restait chez soi. Et donc, bah, il faut que ce soit un lieu où on peut dialoguer avec l'autre, on peut échanger avec des gens qui pensent autrement, on peut du coup remettre en question ses convictions, se dire, tiens, moi j'ai toujours cru que, je sais pas moi, que le premier homme c'était Adam, et puis je suis face à des gens qui me disent, ah mais non, en fait, le premier homme, il ressemblait vachement à un singe, quoi. et si à ce moment-là, on vient nous dire, ah oui, mais non, attention, hein, les croyances, total respect, hein, c'est sacré, ça on touche pas, ben, on est foutu. Et aujourd'hui, malheureusement, trop souvent, c'est ce qui se passe. On est tétanisé par cette histoire de respect de la religion, quoi. Et moi, je trouve pas qu'il faille respecter les religions. Les religions, c'est des idées. On doit pouvoir avoir le droit de dire, ah, tiens, toi, tu crois ça? Ben, tiens, moi, je trouve ça vraiment bizarre, parce que moi, je crois pas du tout à un truc pareil. Je trouve que c'est quand même fou. J'ai du mal à imaginer qu'un dieu se préoccupe de ce que je mange, par exemple. On a le droit de dire ça. Et si l'autre est choqué, ben, qu'il me dise, moi, je suis vachement choqué. Et à la limite, je lui dirais, bah, écoute, je suis désolée si je te choque, mais j'avais quand même envie de te le dire. Et je crois que c'est aussi un apprentissage à faire, d'être capable d'entendre des choses qui nous choquent et de réagir par la parole et pas en prenant sa kalachnikov, quoi. Mais si on s'habitue à avoir des discussions aseptisées, parce qu'on se dit, ouh là, terrain sensible, terrain miné, je parle pas de ça, ça risque d'être mal pris, etc., ben, on contribue à former des citoyens qui sont plus capables d'entendre des gens qui parlent, qui pensent autrement, sans voir rouge, sans s'énerver, sans devenir violent. Et donc là, l'école a un vrai rôle à jouer, qu'à mon sens, elle joue pas tout à fait suffisamment aujourd'hui. Moi, j'étais atterrée, hein, après les événements Charlie Hebdo, là, d'avoir des retours de jeunes adolescents qui m'expliquaient que leur prof avait, par exemple, avait dit, tiens, moi, je veux pas me prononcer sur les attentats de Charlie Hebdo, je veux pas dire, enfin, je veux pas dire si je suis pour ou si je suis contre, j'ai pas le droit de le dire. Je dis, mais attends, quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, enfin. Il y a des enseignants qui fonctionnent aujourd'hui dans les écoles et qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'ils sont évidemment contre les attentats. Enfin, c'est quoi ce truc, quoi? Et donc, c'est des gens qui... C'est peut-être qu'ils étaient pour et qu'ils voulaient encore moins le dire, du coup. Alors ça, ce serait tout à fait effarant, mais je pense que c'est plutôt des gens en général qui comprennent pas très bien qu'à un moment donné, il faut pas invoquer la neutralité, quoi. Je veux dire, la neutralité, c'est pas dire, ah ouais, certains trouvent que les attentats c'est chouette et d'autres trouvent que c'est pas chouette, moi je peux rien dire parce que je suis neutre. Enfin non, il y a des cas où l'enseignant doit prendre position et dire, on tue pas des gens en pleine rue, point, quoi. Je veux dire... qu'ils aient dessiné quoi que ce soit, qu'ils aient écrit quoi que ce soit, même si on les considère comme les pires islamophobes du monde, je veux dire, dans un état de droit, on ne sort pas sa kalachnikov pour buter des gens, quoi. Enfin, c'est le béaba de la démocratie. Mais il y a aussi beaucoup de peur. Hein, je crois que c'était aujourd'hui ou hier dans le journal, des enseignants qui avaient refusé de faire la minute de silence dans leur école parce qu'ils avaient peur des représailles que des élèves pourraient leur faire subir après. Enfin, et je ne jette pas la pierre à ces enseignants, hein, parce que parfois c'est terrible d'enseigner dans certaines écoles où on est seul, en fait, ou quasi seul, à défendre des principes de démocratie, d'état de droit, de liberté d'expression, de droit au blasphème. Mais en même temps, c'est terrible. Mais j'ai envie de répéter cette phrase, parce que c'est vrai que, enfin voilà, ça chauffe dans ma tête. Non, mais... Il y a des gens, peut-être je l'ai déjà dit, mais j'ai envie de le répéter, il y a des gens qui vont dire que les attentats, en tout cas ceux qui passent à l'acte avec des armes à feu pour tuer d'autres, n'ont rien à voir avec la religion. On entend beaucoup ça aussi. Hein. Et donc, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de sortir de cette idée de avoir ou pas avoir, enfin, vous voyez, mais de plutôt de parler justement de ce système laïque qu'on mettrait, si on pouvait le concevoir, de plutôt réfléchir là-dessus que de dire « Ah, mais c'est un bon musulman, c'est pas un bon... » Est-ce que tu vois un peu où je veux en venir, là? Parce que sinon, on n'en sort plus. Enfin, je vois, et en même temps, je pense que c'est une question importante, la question de savoir... Enfin, de dire c'est pas des musulmans qui ont fait ça, l'islam n'a rien à voir avec ça, etc. Moi, je pense qu'on peut pas contourner cette question. C'est parce que malheureusement, je veux dire, si on demande à un de ces terroristes de montrer les versets sur lesquels il se base pour commettre ses méfaits, il pourra vous les montrer. Enfin, ces versets existent. Oui, mais j'ai coupé le. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, si vous voulez raconter l'histoire d'une certaine manière, vous lisez le Coran, et voilà, on sait bien que c'est de toute façon tourné de manière telle que c'est n'importe quoi. Les écrits sont n'importe quoi, on ne peut pas se référer là-dessus. Mais je crois qu'on ne se comprend pas bien. Mais, en fait, en tout cas, une des raisons qui m'ont poussée à écrire cet article, puis c'est ça le point de départ de l'interview, c'est le fait que j'entendais beaucoup de musulmans, sur les réseaux sociaux notamment, dire « il faut arrêter de dire que c'est les musulmans, c'est pas des musulmans qui ont fait ça ». Et finalement, j'avais l'impression que leur colère était dirigée plus envers ceux qui disaient que c'était des musulmans qu'envers les terroristes. Et ça me pose un gros problème, parce que je pense qu'on aura fait un grand pas en avant le jour où ces mêmes musulmans accepteront de dire « Ouais, il y a parmi nous des gars qui déconnent salement, et c'est à eux qu'on doit en vouloir, parce que c'est eux qui ternissent la religion, c'est eux qui font en sorte qu'il y a des gens qui commencent à flipper dans la rue dès qu'ils voient quelqu'un qui porte une barbe, etc. etc. » Je veux dire, il ne faut pas se tromper de colère, il ne faut pas se tromper de cible. Je veux dire, mais ces gens sont peut-être sur la défensive d'office parce que ça craint pour eux, quoi. Ça craint pour leur communauté, ça craint pour... Oui, mais le problème, c'est que moi aussi, je commence à être sur la défensive, parce que moi aussi, je trouve que ça commence à craindre pour moi, et pour mes valeurs, et pour le mode de vie auquel je suis attachée, et pour mes enfants, etc. Enfin, je veux dire, avec des raisonnements pareils, on ne va pas très loin, quoi. Enfin, je veux dire, le repli identitaire, comme on l'appelle, il est légitime de part et d'autre. Je veux dire, en même temps, quand chacun est focalisé sur sa peur, qui est une peur légitime, on se replie, évidemment. C'est un processus humain normal. Je veux dire, autant les musulmans, oui, on peut comprendre qu'ils se disent « Aïe, aïe, aïe, ça va encore nous retomber sur la pomme. » Donc, on va vite dire « Dites les gars, c'est pas des musulmans, ces gars-là, etc. » Et arrêtez de taper sur les musulmans. Mais d'un autre côté, on peut aussi comprendre que, je dirais, le petit belge de base ou le petit français de base se disent « Mais moi, mon pinard, mon vin rouge, mon saucisson, mes concerts rock, mes terrasses de café, j'y tiens, j'ai pas envie que ces salopards me les enlèvent, quoi. » C'est le même phénomène. Enfin, je veux dire, des deux côtés, il y a un truc auquel je tiens, là, qui est occupé à être sali ou menacé. Et à un moment donné, je crois qu'il faut dépasser ça pour se poser la question « Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ça, c'est entre gens, j'ai envie de dire de bonne foi, sans mauvais jeu de mots, qu'on doit pouvoir réfléchir ensemble. Et donc, pour ça, je pense qu'il faudrait réfléchir entre démocrates, musulmans ou non, et mettre de côté les terroristes. C'est eux qui doivent être mis hors jeu. Je veux dire, il ne devrait plus y avoir la moindre solidarité de clans entre musulmans. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il n'y en a pas pour le moment, hein, je veux dire, mais lors de l'affaire Charlie Hebdo, il y a eu ça. J'ai eu l'impression, en tout cas, qu'il y avait cette espèce de discours très ambivalent. Oui, ok, on peut pas tuer, mais quand même, le prophète, quand même, blasphème, oui, quand même, ceci. Et moi, je voudrais qu'à un moment donné, on isole complètement tous ces fous de Dieu, tous ensemble, entre gens qui veulent vraiment vivre ensemble, et qu'on dise, ceux-là, on ne veut plus rien avoir avec eux. Ils n'ont rien compris. Et nous tous, quelles que soient nos convictions, on est d'accord sur l'essentiel, c'est qu'il faut vivre ensemble et que ces gens-là nous en empêchent. Oui, mais terroriste, on ne naît pas terroriste, on le devient, donc c'est compliqué. Et surtout maintenant, ça va être compliqué à vivre ça dans un quotidien avec... Enfin, ça va être... En tout cas, pour ceux qui sont dans la communauté maghrébine et compagnie, quoi, hein, ça va être compliqué parce qu'on va vite amalgamer très vite les choses en disant ah voilà, est-ce que tu vois ce que je veux, vers quoi je veux, parce que je le répète, terroriste, on ne devient pas un jour terroriste, on le devient, donc ça craint quand même avec tout ce qui s'est passé, de se dire tiens, un maghrébin qui vient de rentrer, on va tous le regarder, enfin c'est compliqué, quoi. Oui, mais en même temps, je trouve que c'est aussi faire preuve de maturité à un moment donné que de comprendre que y a des raisons légitimes d'avoir peur, quoi. Moi, j'en ai un peu marre qu'on considère que ceux qui ont aujourd'hui peur de l'islam sont des imbéciles, des parano. Enfin, je dirais que c'est logique quand même. Enfin, je sais pas, on regarde le monde dans lequel on vit. Moi, je comprends que les gens aient peur. Enfin, je veux dire, moi, c'est clair que aujourd'hui, là, si je prends le tram et que je rencontre un type barbu avec son camis, son machin, son pantalon trois quarts, sa tenue de salafiste, j'ai encore plus peur qu'avant, quoi. Enfin, déjà, avant, j'aimais pas trop, mais maintenant, je surveille quand même du coin de l'œil. Alors, est-ce que ça fait de moi une folle furieuse Moi, je ne parle pas simplement de cette personne-là, mais du simple jeune gars, ou mm-hmm. la jeune fille qui est basanée, ou l'autre qui a son foulard. Ça va être... moi, je me mets aussi du côté de la communauté. Ça ne doit pas être évident, voilà. Parce que j'ai grandi un peu aussi dans certains quartiers, comme ça, avec des gens, je connais un peu de l'intérieur aussi, ce monde-là. Et il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne. Hein, mais c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir, hein, comme on fait là maintenant, à comprendre un peu... Je ne sais pas, moi, j'ai posé la question à mes étudiants ces derniers jours, savoir s'ils trouvaient que c'était plus difficile d'être musulman pour le moment. Et en général, ils disent plutôt non, quoi. J'ai l'impression que c'est pas si grave. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que la plupart des non-musulmans soient bas de plafond, au point d'être devenus hostiles à tous les musulmans, quoi. Mais ça dépend peut-être dans quel quartier, dans quel endroit. Enfin, il faut regarder aussi où on parle, quoi. Parce que, moi, j'étais ici un peu dans le quartier cet après-midi, puisqu'nous avions notre rendez-vous. Donc on est du côté de Mézère. Clairement, il y a une grande différence quand vous vous promenez, vous rentrez dans des endroits publics où c'est justement la communauté qui est maghrébine qui est là. Et vous sentez vraiment une tension, quoi. C'est pas facile. Enfin, si dit même, je suis venue. Non, mais c'est vrai, ça doit pas être. Mais oui, oui, bien sûr, oui, ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond, là. Je veux dire, je vois pas comment on peut sortir de ça, parce que oui, en effet, ça doit pas être facile. Et en même temps, je pense que sans du tout tomber dans le « ils ont le devoir moral de se distancer de non », c'est ça pas. Mais en même temps, je crois que ça ferait du bien. Enfin, je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre aujourd'hui des paroles de musulmans qui disent on condamne ces terroristes sans aucune nuance, sans aucune réserve. Je veux dire, ils n'avaient pas à faire ça. Je crois qu'il n'y a que ça qui peut rassurer à long terme, c'est de se dire oh, ouf, allez. Ouf. Et ça, c'est une parole qui n'est pas encore assez présente, je trouve. Mais ça, je crois que ça va changer. Je pense que ça, c'est peut-être l'effet pervers, ou l'effet positif, c'est horrible de dire ça, mais de ces derniers attentats, c'est que, à la différence de Charlie Hebdo, on pouvait encore ne pas être tout à fait d'accord sur le fait de savoir si on a le droit de dessiner le prophète ou pas, etc. Ici, quand même, je veux dire, c'est les gens qui sont morts, c'est vous et moi, quoi. Je veux dire, c'est des petits jeunes qui ont rien fait de mal. Enfin, rien fait de mal, même du point de vue d'un musulman attaché à sa religion. Je veux dire, aller boire un verre en terrasse, aller assister à un concert, un match de foot, c'est pas criminel. Et donc, là, je pense que c'est plus facile pour les musulmans, de manière générale, de dire, bien sûr, c'est inacceptable, et de le dire sans aucune réserve. Parce que des réserves, il y en a quand même eu beaucoup pour Charlie Hebdo. Alors, ce que j'espère, c'est que du coup, ça permette... Je dirais d'avancer sur, enfin, de revenir en arrière sur Charlie Hebdo, de dire, ben là non plus, c'était pas acceptable. Si ça pouvait se produire, ce serait au moins déjà ça de pris. Ce serait de dire, au fond, exprimer des idées, ça doit quand même jamais mener quelqu'un à se faire buter en pleine rue, quoi. Mais pour le moment, je sais pas, j'observe un peu le truc et je me demande jusqu'où il y aura cette reconnaissance du fait que, en effet, il y a aucune raison en fait valable de tuer quelqu'un. Voilà, je sais pas, je m'arrête un peu abruptement là. Non, il y a aucune raison valable pour tuer quelqu'un, si ce n'est à la limite à défendre sa vie, sa propre vie à ce moment-là. Oui, enfin, là, on n'était pas là-dedans, quoi. Hein. Je veux dire, Oui, dans votre texte, vous dites aussi, mais pour autant, j'en ai par-dessus la tête, de l'aveuglement dominant. Vous êtes éclairé alors, vous? J'essaye, évidemment, c'est la question piège, parce qu'évidemment, vous demandez ça à n'importe qui produit un discours, il aura forcément l'impression que ce qu'il a écrit est juste et que ça fait du bien d'entendre une voix comme la sienne dans un paysage globalement aveuglé. Enfin, je veux dire, c'est valable pour tout le monde. Je veux dire, si on écrit, à un moment donné, c'est parce qu'on pense qu'on a quelque chose d'intéressant à dire. Donc... Oui, c'est sûr, mais vous le dites, mais pour autant, j'en ai parlé sous la tête de l'aveuglement dominant, comme si vous... Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça? Parce que... Mais je veux dire que, alors j'ai peut-être la chance d'évoluer dans un milieu intellectuellement plutôt privilégié, donc c'est clair que j'ai plus dans mes contacts, j'ai plus d'intellectuels de gauche que de fachos Front National. Bon, mais du coup, j'ai l'impression que le discours dominant des politiques, des médias, etc., c'est un discours qui consiste à dire, oui, on revient à toujours la même chose, hein, l'islam n'a rien à voir avec ça, quoi. Je le lisais encore aujourd'hui dans un dossier pédagogique produit à destination des enfants, comment parler des attentats aux enfants, et pof, une phrase qui me saute aux yeux, l'islam n'a rien à voir avec ça. Je dis, mais enfin, merde, enfin, il faut arrêter, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet aveuglement? Bien sûr que l'islam a à voir avec ça. Alors, ça ne veut pas dire que tout l'islam est à jeter. Mais c'est comme si on disait que les croisades n'ont rien à voir avec le christianisme. Enfin, c'est débile, quoi. Évidemment, il faut commencer par assumer cette maladie de l'islam pour pouvoir creuser, pouvoir aller plus loin, pouvoir dépasser. Mais dire que ça n'a rien à voir, c'est de l'aveuglement. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire, et tout comme nier, l'antisémitisme qui est quand même présent dans la communauté musulmane, l'homophobie qui est quand même présente dans la communauté musulmane. Quand on tient des discours du genre, l'immense majorité des musulmans sont des êtres paisibles qui ne demandent qu'à vivre leur foi dans la stricte intimité de leur cœur, etc., je crois qu'il y a une part d'aveuglement aussi. Je pense que quand... j'ai eu l'occasion d'être témoin proche, j'allais dire privilégié, mais de vécu d'homophobie, vécu par des gosses, des adolescents dans des écoles, qui sont le fait de musulmans, et rien que de musulmans, et de tous les musulmans d'une classe, quoi. Je veux dire, alors, c'est peut-être une petite anecdote, vous allez me dire, oui, mais il y en a d'autres. Évidemment, oui, bien sûr, il y en a d'autres. Mais il y a une tendance dans l'islam. Et y a un problème, quoi. Mais j'ai l'impression de répéter un peu toujours la même chose, quoi. Non, mais c'est bien, comme ça on comprend bien aussi. Moi, c'est la première fois que je vous rencontre aussi, donc voilà. Mais je voudrais peut-être encore dire une chose, c'est que ce que je vous dis là, c'est un discours que je tenais pas il y a un an. Hein. Ah non ? Non. Il y a un an, j'aurais jamais dit qu'il y avait un problème dans l'islam. Il y a un an, je disais, il y a l'islam qui est une religion paisible, et puis il y a l'islamisme qui est une dérive politique, une instrumentalisation politique du religieux, quoi. Mais à un moment donné, je me retrouve moi-même confrontée à des choses qui me poussent à me dire, peut-être que je me suis aussi cachée derrière mon petit doigt, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie d'alimenter un discours de haine, un discours de rejet, un discours raciste. C'est pas du tout mon but. Mais j'ai pas envie de manquer de clairvoyance non plus. J'ai pas envie d'être naïve. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de justification intellectuelle à la naïveté, quoi. Et je pense qu'on ne peut... c'est aussi un truc que je cite dans mon texte, hein. On peut pas... si on ne connaît pas le passé, on est condamné à le revivre. Et ici, l'islamisme, c'est aussi du passé. Enfin, je dis du passé très récent, mais on a déjà de l'expérience. Je veux dire, il y a eu la guerre d'Algérie. Je veux dire, il y a eu tous les ravages de tous les mouvements islamistes dans plein de pays du monde. On sait ce que c'est maintenant. On n'a plus l'excuse de l'ignorance. On peut pas dire on savait pas. On croyait que c'était deux fêlés. Isolés. Non, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est des gens qui, quand ils sont au pouvoir, ont un programme politique très clair et très liberticide et barbare, je veux dire, qui s'attaque à la culture, qui s'attaque aux arts, qui s'attaque aux gens, évidemment, aussi. Donc, je pense qu'il faut nommer les choses et il faut avoir le courage de le faire tout en dissociant, tout en continuant à dire « c'est évidemment pas tout le monde », mais c'est quand même présent, c'est bien présent, ouais. C'est là. Mais Nadia, est-ce que tu serais d'accord de dire qu'au fond, les religions, si on pourrait terminer là-dessus comme ça, parce que tu dis l'islam, c'est pas bien, mais oui, d'autres religions aussi, enfin voilà, laissons tomber. C'est pas ça qui doit dominer, quoi, c'est pas ça qui doit dicter comment on doit être, c'est pas ça qui doit faire comment on pense, enfin voilà, inventons autre chose que ces références qui sont vieilles, vieillottes. Oui. Alors, en tout cas, pour le vivre ensemble, je pense que la religion n'est pas une réponse. Il faut la trouver ailleurs, la réponse. La religion, elle, elle est là pour nous dire éventuellement comment se comporter si on veut gagner son paradis, quoi. Mais si c'est une interprétation super éclairée à la mode déiste qui consiste à dire bah oui, il faut faire le bien, éviter le mal, moi j'ai rien contre, hein, c'est génial si tout le monde pouvait se borner à ça. Mais si c'est entré dans des détails de comportement extrêmement précis qui divisent, il n'y a rien à faire. Je veux dire, ne serait-ce que l'alimentation, hein, je veux dire, c'est à partir du moment où on considère qu'on ne peut pas manger certaines choses parce que Dieu ne veut pas, ça devient compliqué de manger ensemble à la même table, quoi. Enfin, c'est aussi bête que ça. Donc, mais c'est en même temps un bon exemple. Je veux dire, comment on fait pour vivre ensemble à partir du moment où on ne répond pas tous à cette question-là de la même manière? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut boycotter, abolir les interdits religieux en matière alimentaire. Mais ça veut dire qu'il faut à un moment donné accepter de fonder notre vie en société sur autre chose, quoi. De trouver une espèce de socle commun, de valeurs universalisables. Il y a des choses auxquelles on tient tous et qui sont indépassables et qui vont nous rassembler et qui vont, je le répète, isoler les extrémistes, quoi, qui eux ne partagent pas ce socle de valeurs. J'ai dit l'exemple que tu prends pour la nourriture, bon, c'est pas vraiment un bon exemple, hein, je suis désolée. Parce que la nourriture, voilà, on peut manger différemment, hein, autour de la table, ça pose pas de problème, quoi. Je trouve que c'est pas vraiment un exemple qui montre que ça pourrait vraiment créer des distances avec l'autre parce que je ne mange pas la même chose. J'ai pas un autre exemple, évidemment, mais... Alors, c'est vrai, c'est pas un bon exemple, et en même temps, ça dépend de nouveau de l'interprétation qu'on donne. Par exemple, je cite un exemple qui me vient en tête d'une école dans laquelle on organise un repas de fin d'année et où le prof de religion islamique ne veut pas venir parce qu'on y sert du vin, alors qu'on l'oblige pas à en boire. Mais le simple fait qu'il en ait lui pose problème. Ça, c'est parfait. Voilà. Donc, tant que ça me concerne, moi et rien que moi, je prends ce que je veux dans mon assiette, effectivement, et j'amène éventuellement mon petit truc. Si on m'annonce que ce sera des côtelettes de porc et que moi, je peux pas, et je dis, OK, moi, je me ferai une petite salade ou... je sais pas, j'en sais rien. Enfin, on se débrouille, quoi. Mais on ne peut pas exiger de tous qu'ils partagent le même plat que soi. Ouais. Et on ne peut pas non plus exiger de l'État qu'il adapte son mode de fonctionnement pour le rendre compatible avec des prescrits religieux. C'est pas parce que, parce qu'on estime qu'on peut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, qu'il faut commencer à pénaliser le fait de vivre ensemble sans être marié, quoi. C'est ça un État laïque, hein. C'est un État qui va dire, les règles civiles, c'est une chose, les règles religieuses, c'est autre chose, quoi. Donc... nous, on essaie de trouver un minimum commun, voilà. Au-delà de ça, chacun fait ce qu'il veut dans son intimité, mais il enquiquine pas les autres avec ça, quoi. Allez, pour terminer, parce qu'il reste vraiment 5 minutes, est-ce que tu serais d'accord de dire Charlie, mais c'est pas rien à voir, c'est à Paris, les attentats, là, c'est... Enfin, tout ce qui se passe, c'est un peu la guerre de la religion. Est-ce que tu serais d'accord d'appeler ça comme ça? C'est la guerre des religions, la guerre de... Alors, pour moi, c'est pas la guerre des religions, parce qu'il n'y a qu'une religion qui est en cause. Et même pas une religion, une fraction d'une religion. Hein, mais c'est une guerre, ça, oui. Je pense qu'à partir du moment où Daesh nous a déclaré la guerre, on peut pas dire « 2 pouces, je joue pas, j'ai pas envie », quoi. La guerre, elle a été déclarée, donc... Donc oui, quelque part, on est en guerre, même si c'est pas une guerre classique. C'est pas 2 armées qui s'affrontent, c'est pas 2 territoires dont l'un des deux essaye de conquérir l'autre. On n'est plus là-dedans. C'est ça qui est extrêmement compliqué. C'est du terrorisme plus que de la guerre. C'est une guerre de terroristes, quoi. Et c'est religieux, évidemment, au sens où le projet de Daesh, c'est quand même d'imposer sa vision. Fondamentaliste de l'islam à tout le monde, quoi. Il y a quand même ça. Ça c'est sûr, t'as pas de doute là-dessus. Ah non, j'ai pas de doute là-dessus, non. Non, je vois pas pourquoi, comment on pourrait en avoir. Enfin, je veux dire, ils ont quand même revendiqué l'attentat avec des termes. Non, ce que je veux dire, c'est que Daesh, pour moi, enfin, tu vois, je m'intéresse pas finement à la question, mais c'est moi des illuminés complètement à côté de la plaque qui ont envie de dominer les gens, basta, et pas au nom de... d'une religion ou... Ouais, non, moi je crois que ça c'est un peu naïf, je pense quand même. Et c'est un peu le problème aussi, hein, c'est dans les analyses, on lit beaucoup de gens qui disent oui mais non, c'est une vengeance de Daesh contre les politiques menées par l'Occident, etc. Mais c'est pas vrai, je veux dire, Daesh agit aussi contre des populations musulmanes dans des pays musulmans, donc là il n'est pas question d'occidentaux à venger, je veux dire, ce sont des musulmans, des coreligionnaires qui sont trucidés. Et je crois qu'il y a effectivement un projet politique très clair. Je crois que les cibles, elles ne sont pas choisies au hasard. Hein. Je veux dire, c'est la même mouvance. Je veux dire, enfin, dans Charlie Hebdo, la mouvance, c'était la liberté d'expression. Enfin, la cible, c'était la liberté d'expression et les juifs. Bon. Ici, la cible, c'est tout ce qui incarne le bien vivre en France, quoi. Je veux dire, écouter de la musique, s'amuser, supporter un match de foot. Tout ça, c'est ce qu'un islam radical condamne au nom du fait que c'est accorder de l'importance à autre chose qu'à Dieu, c'est se détourner de Dieu, c'est des occupations de mécréants. Donc oui, je pense qu'il y a c'est semer la terreur, mais c'est semer la terreur auprès de la jeunesse qui s'amuse. Et c'est pour ça d'ailleurs que la réaction aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, est de dire... on va continuer à boire, les gars, quoi. Hein. Ouais. Voilà, à boire, à manger. Je suis en terrasse. Hein. C'est une façon, évidemment, tout à fait... comment dire ça, c'est quelque chose de puéril, parce qu'évidemment, ils s'en foutent. Mais je crois que nous, on en a besoin. On a besoin de leur faire ce pied de nez, quoi. De dire, les gars, on est en terrasse, quoi. On n'a pas peur. Ouais. Même si on ment parce qu'on a peur.